sur le patrimoine de Coluche, pour le faire vivre. Et alors, pas question de faire, si j'ose dire, de captation d'héritage, c'est que la vraie signature, c'est Coluche. Hein. Ah bah ça oui, bon. Oui, nous on va pas signer les phrases de notre père, hein, ça c'est sûr. comment ça s'est passé la recherche? D'abord, pourquoi ce livre? Tiens, on va commencer par là. Pourquoi ce livre? Alors, pourquoi maintenant? Maintenant c'est plutôt pertinent parce que nous sommes en campagne électorale, évidemment, voilà. Mais pourquoi ce livre, finalement? D'abord, ça fait quelques années qu'on fait des livres parce que c'est un bon moyen de faire vivre la mémoire de Coluche. Peut-être qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est plus pertinent d'entendre des phrases que des sketchs entiers, encore que moi j'adore les sketchs, hein, et je pense qu'ils passeraient assez volontiers aujourd'hui. Mais ils aiment bien les petites phrases aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est un peu la mecque des petites phrases, et il y en a plein dans tous les sens. Donc Coluche, qui était très fort pour ses petits aphorismes, ses petites pensées, et qui sont quand même extrêmement pertinentes. Elles sont pas que petites. Hein. Voilà, elles sont petites en taille, mais pas forcément en profondeur. Et à méditer pour les maris jaloux. et donc, à force de voir des phrases de Coluche passer sur les réseaux sociaux, on s'est dit que justement, ça intéresserait peut-être les jeunes, ceux qui ont moins de 30 ans, qui n'étaient pas nés à la mort de notre père, de savoir un petit peu ce qu'il était, ce qu'il racontait et pourquoi il est aussi incontournable dans la génération de nos parents. Et rendons à César ce qui est à César, notamment pour ce qui concerne les paroles d'auteur. Quand il y a un auteur, c'est bien de les lui rendre. Ah oui, tout à fait. Oui. Bon, d'ailleurs, je vous dis quelque chose que vous n'avez pas pu vivre. Les gens de ma génération, les anciens jeunes, avaient entre 20 et 25 ans quand Coluche régnait et il avait créé, inventé un langage que nous reprenions au lycée. On avait 15 ans et on disait la crise, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était notre langage. Donc ça montre à quel point il était important pour la jeunesse et puis pour les autres également. Alors vous étiez tout petit à l'époque des faits que nous avons raconté la candidature de Coluche à la présidentielle. J'ai fait mes calculs, vous aviez 5 ans. Voilà. J'imagine que vous n'avez aucun souvenir de cet épisode. Peut-être si, je sais pas, 5 ans, je sais pas si c'est là, j'ai encore des souvenirs. Alors, ils sont flash comme ça. Pour vous donner une idée de ma conscience politique à l'époque, mon frère m'a demandé si j'étais de gauche ou de droite. J'ai dit je sais pas. Il m'a dit t'es gaucher ou droitier. J'ai dit je suis droitier. Il m'a dit t'es de droite. Voilà. Donc pour moi, ça s'arrêtait là, la conscience politique, et je trouvais ça très injuste. Moi-même, j'ai aucun souvenir de cette époque-là. Évidemment, j'étais beaucoup trop jeune, et alors, d'autant plus pour m'occuper de politique qui ne concerne pas les enfants, et encore heureux qu'on les épargne de ce gaudriole. Mais ensuite, effectivement, j'ai un peu quand même fait de l'histoire, su ce qui s'était passé en 81 entre les vraies élections et puis surtout le passage de mon père dans la campagne électorale qui a bien fait chier le monde. Votre mère vous en a parlé, j'imagine, dans quels termes? Est-ce que vous avez senti une blessure dans la famille, quelque chose qui a été dur? Est-ce qu'on vous en parle comment de cette aventure? Parce qu'on a vu à quel point ça n'a pas été facile quand même, hein. Oui, tout à fait, oui. Et puis, effectivement, par rapport à la carrière de mon père, c'est peut-être une des rares fois où ça n'a pas marché, où ça n'a pas été jusqu'au bout. Même quand il lançait des paris insensés comme « on va faire une cantine pour nourrir tous les pauvres », ça marchait. Ouais. Et là, ça n'a pas marché. Alors ça, c'est vrai que... Et puis, je pense qu'il avait fait un calcul, vous l'avez très bien expliqué dans votre document qu'on vient d'entendre, c'est que lui, s'il s'était présenté, c'était non seulement pour faire une farce, et puis pour pas être censuré. Parce que quand il était à la radio, comme vous venez de le dire, il parlait un petit peu trop comme les gens de la rue, on le censurait assez volontiers, et ça le faisait chier, parce qu'il pouvait pas dire ce qu'il voulait. Et comme il voyait que les hommes politiques, eux, n'étaient jamais censurés, alors qu'ils mentaient 10 fois plus que lui, ça l'a énervé, ça l'a piqué. Et ouais. C'est pour ça qu'il a voulu se présenter en se disant « on ne me censurera plus et je pourrai moi-même dire ce que je veux ». Ça a été un peu l'erreur de calcul, parce que effectivement la politique, ça concerne trop de gens qui ont des gros sous et donc des pieds dans les médias pour que ça puisse se passer comme ça. Donc ça a été effectivement un peu un échec. Alors ensuite... Nous, c'est pas forcément la période autour de la table dont on parle le plus. Des fois, il se trouve que notre mère nous a raconté des anecdotes par rapport à ça, ou d'autres personnes, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu Coluche à l'époque et qui... La bande de la rue Gazan, notamment. Notamment, hein. Voilà, et qui sont très contents de pouvoir me raconter à quoi ressemblait mon père. Hein, ça, c'est une constante chez les fils d'eux. Et donc, cette période politique, j'ai pas forcément d'anecdotes croustillantes personnelles. Non. Non, mais c'est pas grave. Après, moi, ce que j'en vois, c'est que grâce à ça, il a appris aux hommes politiques français, Coluche, que pour gagner une élection, il faut être dans les médias. Jusque-là, il le savait pas trop. Je sais pas si vous vous souvenez les émissions politiques à l'époque, mais c'était quatre types en costard en train de fumer la pipe ou le cigare qui s'engueulaient sur des termes qu'on ne comprenait même pas. Dans le tas, avec un peu de chance, il y avait un ancien combattant qui s'énervait avant la fin du débat et qui se barrait. Et il y avait eu un intellectuel sur à carte sur table qui s'est barré voilà. Comme ça et qui a dit « Messieurs les censeurs ». Exactement, voilà. C'était des émissions qui étaient pour le Saint des Saints et qui n'étaient pas pour les néophytes comme nous. Et nous, on comprenait aujourd'hui rien du tout. Aujourd'hui, les débats politiques sont simplifiés pour qu'on puisse les comprendre. D'ailleurs, peut-être le problème, c'est qu'ils parlent plus de vraie politique, mais ils font plus que de la politique média. Alors qu'avant, on parlait de vraie politique, mais nous, on pouvait qui votions, on pouvait pas comprendre ce qui se disait. Et depuis Coluche, c'est lui qui a amené ce côté-là de dire il faut être dans les médias, il faut avoir une cote de popularité auprès du public pour gagner. Et lui, en faisant juste le con, il leur a piqué 16% des intentions de vote au plus haut de sa carrière. Bien sûr, quoi. Bien sûr. Je crois qu'au mois de décembre ou janvier, il était donné très haut. Et ça nous faisait beaucoup réfléchir, d'ailleurs. On se disait, c'est incroyable. Il se passe, avant que ça s'arrête, c'était quelque chose de très très fort dans la réflexion politique gens. Alors, il y a un homme dont on ne peut pas douter de la sincérité concernant l'attachement qu'il avait à Coluche, c'est Jacques Attali, qui était. Oui, oui. Vous l'avez revu, lui? Il était attaché à cette famille? On l'a revu un petit peu après, oui. Effectivement. Alors, moi, c'est pas celui dont j'ai le plus de souvenirs non plus, en tout cas, du vivant de mon père. Ensuite, après, il se trouve que il est resté ami de la famille, donc on l'a vu un peu. Mais surtout, la première fois qu'on l'a vu, en fait, il venait sous couvert d'être gentil pour essayer de le dissuader quand même de faire politique, puisque la grande méthode qu'il y avait à l'époque, c'était de part et d'autre, que ce soit de gauche ou de droite, d'envoyer un type pour dire « Nous, on trouve ça très bien ce que vous faites, mais faites gaffe aux autres, c'est des dangereux. » Donc voilà, Jacques Attali était venu dire « Faites gaffe à la droite, c'est des dangereux. » Puis à droite, il y a un type qui était tout aussi gentil et affable qui était venu dire « Faites gaffe aux mecs de gauche. » C'était qui celui-là ? Je sais plus. Bon, pas grave. On n'est pas resté aussi amis qu'avec Jacques Attali, effectivement. Bien, Marie Scolci, en face de vous se tient une jeune femme qui était reporter, c'est Annaëlle Verzo que je vous présente. Bonjour. Notre reporter. Bonjour Annaëlle. Très joli pull, on le voit pas à la radio, mais il est magnifique. Vous avez passé un moment, Annaëlle, il y a un an, alors on va dire avec un autre genre de Coluche, un avatar. Pour l'occasion, Jean-François Galotte. Eh oui, et dans les années 80, Jean-François Galotte, on le connaissait mieux sous le pseudonyme de David Grossex quand il animait la radio Carbone 14. Bon, il a aussi joué dans de nombreux courts et des longs métrages, et récemment il a réalisé le film Louise. Eh ben, figurez-vous que tout spécialement pour les auditeurs d'Affaires Sensibles, Jean-François Galotte est le 12e candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui. Vous êtes allés ensemble convaincre des jeunes d'aller voter pour lui. Alors c'était Place de la République à Paris, bien sûr. C'est la place de l'agora politique, c'est celle-là. Mais on peut dire que vous avez eu bien plus de succès auprès des jeunes que les autres candidats. Non ? Ah, oui. Bah écoutez. Oui. Là, je suis en train de chercher. Là, ils installent des jeux maintenant au centre de la place de la République. C'est très familial. Ouais, mais j'aime pas les gosses, alors. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous savez que vous avez peut-être devant vous le futur président de la République française. Je suis impressionné, vraiment. Ah, l'écharpe qui tombe. Il y a trois jeunes filles. Ah. Ah, on vous attendait. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Parce que sortie scolaire. Sortie scolaire. Mais vous venez d'où? De Bordeaux. Vous connaissez le symbole de la France, c'est une chanson, elle s'appelle comment? La Marseillaise. Admettons, mais aujourd'hui, là, vous savez que la France est en crise et une situation terrible. Oui. Et si on remplaçait cette chanson, parce que c'est un peu, la Marseillaise, c'est un peu lourd, on la met aux oubliettes et à la place, on fait le lundi au soleil. Demain, je vais chez Pôle emploi chercher et du travail. Vous savez que la retraite, vous la verrez certainement. Mais plutôt que de l'avoir à 60 ans, peut-être comme moi, je vais bientôt l'avoir. Et si on vous la mettait à 100 ans? Non. Pour les plus... Oh, on va se calmer. C'est dans le programme de M. Jean-François Galotte qui va programme. Se présenter à l'élection présidentielle. Je me présente à l'élection présidentielle, c'est pour ça. Pour vous, monsieur. Voilà. Alors, la suite du programme, Jean-François Galotte. Ouais, pour ne plus avoir de problème avec l'immigration... C'est simple, vous enlevez la nationalité française à tous les Français. Ah non, ouais, Moi, je suis d'accord, Bah, bien sûr, comme ça, on est tous des immigrés. Un autre truc, là, parce que vous avez, vous habitez la banlieue comme moi. Par exemple, la cité, les 4000, les Tarterets, les Saules, les Tilleuls, prendrait le nom de Château de Chambord, Amboise, Chenonceau et Cheverny. Non, c'est nul. Chaque cité a son histoire, faut pas la changer, faut pas changer son nom. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous. Vous avez les grandes causes nationales, vous les connaissez, hein. C'est que vous ne fassiez plus que l'amour qu'une seule fois par an. Ils sont pas d'accord. Mais c'est pour lutter contre le sida, pour lutter contre toutes les maladies. Pour vous motiver sur cette journée-là, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y en a qui le fassent, ça s'appellerait la journée Strauss-Kahn. Alors, pour finir, là, vous allez me chanter l'hymne de la France. 1, 2, 3. Le lundi au soleil. Le lundi, on va au Pôle emploi. Yo le rap. Yo le rap. Ma France, une Ferrari qui dérape. Je viens de la cité. J'ai mis ma casquette sur le côté. Yo, nique la société. Wesh, wesh, le ghetto. Bon bah d'accord, je laisse tomber Clo-Clo. Ouais, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous votez pour lui ou pas? Vous allez en baver avec moi. On a confiance, monsieur. Bon, un joli petit délire, juste pour sourire, bien que c'est jamais complètement juste pour sourire quand il y a la politique derrière, parce que ça dit aussi des choses. Il y avait quel âge ces gamins, Naël? Oh, ils avaient l'âge de voter, pas loin, 17-18 ans. Ah, quand même. Bon, d'accord. Je vais vous poser une question absolument infernale, Marie Scolchi. La seule question infernale. Que ferait Coluche, à votre avis? Que dirait-il aujourd'hui face à ce qu'est aujourd'hui la politique française? Si tant est qu'elle ait vraiment beaucoup changé, d'ailleurs, depuis l'année dernière. Je crois que c'est bien ça, le problème, c'est qu'il dirait exactement la même chose, parce que finalement, c'est exactement les mêmes problèmes. Et qu'on a beau nous dire, ah, mais non, regardez, c'est nouveau, lui, c'est pas le même. Bah, il dit la même chose que son prédécesseur, et ça fait déjà plus de 40 ans que ça dure. Et j'ai peur que ce soit un cycle qui soit très très engagé jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un élan social qui change tout ça, comme il a pu y avoir mai 68. Mais malheureusement, je crois qu'il dirait la même chose exactement qu'il y a 40 ans. Alors, ce qu'il disait il y a 40 ans, on va... j'ai sélectionné une demi-douzaine de ce que j'appelle, moi, des aphorismes. Mais certainement, hein, parce qu'il y a une vraie pensée en plus. Il y a la technique des mots, de la subtilité, puis il y a des pensées, notamment celle qui a une résonance énorme et que je trouve très très forte sur le fond. Écoutez bien, c'est à force de ne pas faire de politique qu'on a des mecs dans la rue qui nous mettent des bombes. Alors ça peut dire beaucoup de choses, il y a plein d'interprétations. Oui, alors lui, il parlait plutôt d'ailleurs des anarchistes, qui étaient du début du XXe siècle, plutôt que des terroristes qu'on a aujourd'hui, parce que sinon les terroristes, on sait bien que s'ils mettent des bombes chez nous, c'est parce qu'on a vendu des armes à leurs adversaires. Donc finalement, ça n'est absolument pas des problèmes politiques locaux. Cela dit, si on laissait moins les jeunes, notamment les jeunes de cité, comme on vient de les entendre, désœuvrés, si on s'occupait un petit peu, il y a une gamine là dans votre document qui disait les cités, elles ont des histoires et il faut les garder. Et ben ça, c'est ce que les hommes politiques ne savent pas. Ils laissent ces gens dans des cités en se disant c'est une poubelle, c'est bien, c'est très bien, et ils s'occupent pas d'eux. Et c'est parce que ces gens-là sont reconnus par personne et que c'est de notoriété publique qui vivent dans des poubelles, qui se retrouvent à aller effectivement foutre des bombes. Ça oui, alors effectivement c'est un vrai problème politique, je suis d'accord. Très politique effectivement. Cette autre pensée qui elle aussi dégage ses résonances, Coluche dit « moi je demande que ça, être de gauche ». À condition qu'elle existe. Ben oui, hein, c'est, et quand c'est... on voit aujourd'hui la gauche qui a du mal, qui quelquefois un peu se suicide avec, par exemple, deux candidats qui s'unissent pas. Voilà, ça laisse orphelin un certain nombre de millions de personnes qui voudraient que la gauche ça, soit. Ça totalement. Voilà, oui. Et puis alors ça fait le jeu des extrémistes, qui du coup récupèrent tous ces déçus, comme les 16% d'intention de vote qu'avait fait mon père sur des gens qui ne votaient pas. Voilà, ces gens ne votent plus, ou alors maintenant votent pour des extrémistes parce qu'ils s'y retrouvent plus que dans les grands partis qui effectivement hein, sont pas plus de, je pense pas qu'il y ait énormément de comment dire, de pensée politique, enfin de conviction politique dans les partis, et que je crois que les types aujourd'hui ils sortent des grandes écoles et puis ils choisissent d'aller à gauche ou à droite selon qu'ils sont carriéristes ou qu'ils préfèrent suivre, en gros hein, le mec qui sort numéro 1 ou 2 de l'ENA il va à droite et les autres ils vont à gauche en se disant je vais faire outsider, j'aurai peut-être plus de chance, sinon je vais toujours me faire taper par ce mec-là. Alors, celle-là, elle est, je pense qu'il y a, à la fois une certaine tendresse et puis une dent dure. Il y a les deux. C'est concernant Michel Rocard, dont on a appris la disparition l'été dernier, qui était un homme important, qui était un homme qui avait des idées, qui était assez, qui était novateur, en tout cas. En son temps. En son temps, mais il suffit de voir les hommages qui lui ont été rendus, la plupart sincères. D'ailleurs, là, je disais Rocard. Il a une tête d'accouchement. Malheureusement, on voit jamais sortir le bébé. Et c'est vrai que Michel Rocard est passé jusqu'au bout de son grand destin qui eût été celui d'accéder à l'Élysée. Voilà. Il y a, je trouve qu'il y a à la fois de la férocité et de la tendresse là-dedans, dans cette phrase-là. Souvent, oui. Bon. Alors, l'autre, là, il y a que de la férocité. La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout. Et ça, malheureusement, c'est vrai que, encore une fois, l'absence de conviction politique des hommes politiques qu'on a aujourd'hui, en tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que la seule chose qui les intéresse, c'est de s'en mettre plein les poches. Et il y a une autre phrase qui est quand même très intéressante dans le bouquin, où il dit, et qui était recitée dans le reportage, je crois, moi, je voudrais que ce soit les Français qui gagnent, et non pas les hommes politiques qui gagnent la présidence, mais que ce soit les Français qui soient présidents, et que ce soit eux qui bénéficient des avantages de la présidence. Jusqu'ici, on a l'impression que c'est plutôt le président qui profite de ce poste. Et que nous, si on a les mêmes intérêts que le président de la République, on sera exaucé, mais seulement dans cette condition. Vous avez regardé le débat à 5? Non, pas du tout. Bien. Alors, je faisais référence tout à l'heure à Oscar Wilde, parce que moi je trouve qu'il y a un certain cousinage dans ces aphorismes-là. Wilde qui était un roi de l'aphorisme, notamment. C'était un roi du théâtre aussi, et du roman. Alors, dans les déclarations de sportifs, disait Coluche, c'est comme dans les déclarations d'hommes politiques, la franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. Intéressant aussi, ça. Hein, ça, c'est assez important, et je pense que c'est plus facile pour les sportifs qui sortent de leur match et qui sont à fond ultra motivés que pour les hommes politiques qui, du coup, payent des assistants pour les aider pour écrire leur discours et savoir comment se comporter en public. C'est pas forcément évident pour effectivement ces hommes politiques qui ont pourtant tellement besoin de ces élections que du coup ils sont prêts à répondre à n'importe quel couillon qui leur tend un micro, alors que leur métier c'est justement de pas faire de l'immédiat mais de faire de la politique à long terme. Et du coup moi je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à une politique qui n'est plus fait que de petites phrases et plus de politique. Bon, je vais être un peu corporatiste, il y a pas que des couillons qui tendent le micro parfois, il y a aussi des journalistes. Alors celle-là c'est la je suis tout à fait d'accord. Moi je trouve que la faute en est plutôt du côté des hommes politiques qui devraient dire quand ils ont rien à dire, pardon, j'ai rien à dire. J'ai pas encore avancé sur le dossier. Sauf que comme ils ont besoin des médias, eh ben ils disent coûte que coûte quelque chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une politique de petites phrases. Il y a aussi des journalistes qui pourraient parfois dire, écoutez, je prends l'antenne, mais j'ai rien à dire, je vous la rends. Quelquefois, faut faire de l'occupation d'antenne. Moi, j'aimerais bien que les journalistes et les hommes politiques, enfin, que tous les gens qui sont dans les médias ne viennent que s'ils ont quelque chose d'intéressant à y dire. Et puis le reste du temps, on trouverait quelqu'un d'autre, on mettrait de la musique. Bon, alors la plus célèbre, parce que moi je trouve que techniquement, dans ce qui est du ressort du rire, elle est vraiment énorme. Hein, c'est « Avant moi, la France était coupée en deux, avec moi, elle sera pliée en quatre hein, ». Soit c'est ça, c'est vraiment c'est plus qu'une pensée, c'est devenu un slogan, c'est collé à l'image de Coluche, c'est vrai que c'était bien vu. Il nous reste que 15 secondes. Ah, votre préféré, vous votre, non mais non, c'est très bien, votre petite préférée, si vous arrivez à... Vraiment, il y en a plein, dans le même genre, voilà. Mm-hmm. Celle que vous venez de citer, il y a je l'ai plus. C'est malin. C'est pas grave. Quoi, ah oui, je vais emmerder la droite jusqu'à la gauche. Oui, c'est ça, voilà. Vous me l'avez celle-là dit. Celle-là était pas mal aussi. Marius, ce sera le mot de la fin. Marius Colucci, merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la candidature de Coluche à la présidentielle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la mort d'un enfant palestinien dans la bande de Gaza. C'était en septembre 2000 et c'était sous le regard des caméras de télévision.